Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neurone sur les ondes de C'est Fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour deux belles heures de rock progressif. Et ça va être réparti géographiquement assez diversifié. Alors, on aura In Continuum qui vient des États-Unis, Elsmer qui vient d'Italie, Léormé d'Italie, Professeur Tip Top de Norvège, Carfagen d'Ukraine, Cheetos Magazine, ça vient d'Espagne, Life Signs d'Angleterre, David Walliman des États-Unis et ORK d'Italie. Alors, le premier bloc de l'émission est consacré à l'album de la semaine et c'est In Continuum que je vous propose cette semaine. In Continuum, bien, c'est le groupe de Dave Kirshner. Dave Kirshner qu'on a connu aussi comme claviériste de la formation Sound of Contact. Formation qu'il a participé au seul album de ce groupe-là. Et après avoir été mis à la porte, mais il a fait un projet solo qui s'appelait The Dave Kirshner Band. Et tout récemment, mais il a formé un nouveau groupe du nom de In Continuum. C'est un groupe formé quand même de 5 musiciens, dont 2 étaient auparavant avec Sound of Contact. Il s'est fait aussi aider par plusieurs invités, dont John Davison, lui qui était l'ancien soliste du groupe Glass Hammer, qui aujourd'hui est en tournée avec une des deux formations de Yes. On a aussi Steve Hackett sur cet album-là, qui joue de la guitare sur une des pièces. On a Steve Rothery aussi, un des guitaristes de Marillion, qui est aussi invité. On a Nick Virgilio, l'ancien batteur de Spock's Beard, et Marco Minemen aussi, qui est l'ancien batteur de Aristocrats. Alors, tout ce beau monde-là nous propose un album de 62 minutes, réparti sur 12 pièces. Et pour l'occasion aujourd'hui, mais je vous en propose 4. C'est Acceleration Theory, qui est le titre de l'album, en fait. On a Crash Landing. On va entendre Steve Hackett là-dessus. On a Racing Through the Past et Alien. Alors, on débute ça avec In Continuum. Thank you.

Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, pour ce deuxième bloc de l'émission Rock de Neurones, on ira du côté de l'Italie avec Elsmer. Elsmer, qui est un projet du guitariste, je pense son nom c'est Vitelli, oui, Roberto Vitelli, qui est membre de la formation aussi Taproban, qu'on a beaucoup aimé et qu'on fait jouer à l'occasion. Alors, Elsmer, c'est son projet parallèle. Alors, il sort un deuxième album qui s'intitule From Sea and Beyond, et je vous propose la pièce de Schooner. Et ensuite, on va rester du côté de l'Italie avec Léormé, qui, moi, est un de mes groupes préférés, qui est encore actif malgré le fait qu'il reste un seul membre de la formation originale, le batteur. Et en passant, une petite parenthèse, Léormé sort dans la prochaine semaine ou deux là, un nouvel album, Sulle Aldi Un Sogno. Mais c'est en 2011, avec le 18e album qui s'intitule La Via della Seta, que j'ai extrait trois titres. L'Alba di Eurasia, on a Sirende et Mondi Che Si Cercano. Et on va conclure le bloc avec la formation Professeur Tip Top qui vient de sortir Hybrid Hymns, les hymnes hybrides. Et c'est le 5e album du groupe. Et je vous propose deux extraits, The Dogs Are Coming et An Awkward Choice. Alors on débute ça avec Elsmer. Thank you. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, nous voici donc rendus au troisième bloc de l'émission. Je rappelle aux auditeurs que vous pouvez retracer toute l'information concernant les pièces que vous avez entendues à l'émission d'aujourd'hui. C'est sur Facebook, sur la page de l'émission Rock de Neurones. Alors, on débute avec Carfagan. Carfagan, qui est un groupe ukrainien qu'on a entendu la semaine dernière. En fait, on avait classé cet album-là, l'album de la semaine. Alors, les auditeurs qui étaient avec nous, vous avez entendu plusieurs pièces de cet album-là. Mais étant donné que c'est un album double et puis qui a presque 150 minutes, bien, il y avait encore du matériel qui était très bon. Et là, on va entendre la longue pièce, Dragon Island Suite. Ça, c'est Echoes from the Within Dragon Island. Ça, c'est le dixième album de Carfagan. Et ça va être suivi d'un groupe espagnol, Cheetos Magazine. Ça, ils viennent de faire sortir leur troisième album studio. Un album quand même intéressant, 64 minutes. C'est un album qui est quand même classé déjà parmi les cinq meilleurs albums de l'année. Si on regarde le palmarès de Prog Archives. picture storybooks and the flying fairy lords. In the picture storybooks and the flying fairy lords. take a look at me now. I feel your time getting over. You'll die and squeeze your teeth in blood and your crown. I'll save your eyes in a movie to cry. It's a funeral. Come here, you cannot escape from me anymore. Your bones will grow with my father. Dead mouse, I'll squeeze your teeth in blood and your crown. I'll save your eyes. Thank you. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, on est rendu au dernier bloc de l'émission et on va débuter ça avec Life Signs. Life Signs, c'est un groupe qui a été formé par deux ex-membres de la formation Strubs. J'ai nommé John Young et Dave Bainbridge. Ils s'entourent de musiciens, puis pour les accompagner, ils invitent, entre autres, on a déjà vu Dish Van Leer, le flûtiste de Focus, et on a Nick Beggs aussi qui fait des tournées avec Steven Wilson. Il y a d'autres musiciens invités, mais en fait, ça se résume à deux albums. Et le premier qui est paru, je pense que c'est en... En 2013, et puis ça a été suivi par Cardington, qui est le deuxième, qui est paru en 2017, et puis on va entendre la pièce « Different ». Ça va être suivi de David Walliman, qui est le guitariste de la formation Glasshammer. Il a deux albums studio à son actif, et le dernier, qui est paru en 2016, s'intitule « Evolving Seeds of Glory », et on va entendre Overture. Et pour conclure, il y a ORK, c'est l'acronyme O.R.K. Ça, ce sont des musiciens, c'est un musicien italien et qui a formé un groupe avec Colin Edwin, qui a déjà fait partie de Porcupine Tree, et Pat Mastellotto, qui lui était batteur à l'époque pour King Crimson. Alors, ce regroupement de musiciens-là a donné trois albums studio, dont le plus récent, Ramage Head. Et je propose deux extraits, Strangled Words et Kneel to Nothing. Alors, on débute ça avec Life Signs. Thank you. your consent to celebrate my life's intent. Take away this false defense to understand the difference, to watch it all slip away, slip away. Thank you. Kneeling to nothing. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est le groupe O.R.K. et la pièce « Kneel to Nothing » tirée de l'album « Rummage Head ». Ça, c'est leur troisième album. Et c'est paru il y a quelques semaines, c'est tout récent. Et auparavant, bien, on avait une autre pièce de cet album-là qui s'intitule « Strangled Words ». Et auparavant, nous avions David Walliman et la pièce « Overture » tirée de « Evolving Seeds of Glory ». Et en début de bloc, eh bien, on avait « Life Signs » et la pièce « Different » tirée de « Cardington ». Alors, ceci met fin à la programmation musicale là, de cette 217e émission de « Rock de Neurones ». Et avant de terminer, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez écouter cette émission en rediffusion les dimanches de 10h à midi et les mardis de midi à 14h. Ça, c'est toujours sur les ondes de « C'est fou ». Le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et si vous voulez l'écouter sur Internet, bien, il y a l'application SoundCloud. Alors, vous n'avez qu'à taper « Rock de neurones » dans la barre de recherche pour y accéder. Et si vous désirez connaître les détails concernant les pièces, les albums et les artistes qui ont passé durant l'émission, bien, vous n'avez qu'à consulter la page Facebook de « Rock de neurones ». Sur cette page-là, ainsi, vous pourrez trouver les palmarès des meilleurs albums de 2018, des meilleurs albums de rock progressif québécois, ceux d'Italie aussi. On a aussi un palmarès des 100 meilleurs ou 50 meilleurs albums de tous les temps. Et on a aussi des références, des liens, c'est-à-dire pour les émissions archivées. Alors, ceci me fait à l'émission et c'est Jimmy Farley qui vous invite à passer une belle semaine et à nous revenir la semaine prochaine pour une nouvelle aventure avec Rock de Neurones.